soir je chante pour toi Jésus, jamais ma source ne tarira. Emportée par ton amour, la flamme s'allume avec éclat. De l'Orient à l'Occident, ton amour me conduira. Des montagnes et des collines, ton amour m'emmènera. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Encore un chant pour toi Jésus, jamais ma source ne tarira. Emportée par ton amour, la flamme s'allume avec éclat. De l'Orient à l'Occident, ton amour me conduira. Des montagnes et des collines, ton amour m'emmenera. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Hey, hey, hey. Jésus, amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné tout mon cœur. Tu as gagné tout mon cœur. Oh Jésus, mon seul amour. Hey, hey, hey. Jésus, amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné tout mon cœur. Tu as gagné tout mon cœur. Oh Jésus, mon seul amour. Mon amour dans ta maison, je vais chanter à chaque saison. Car je t'aime avec raison, toi la vraie bénédiction. Pour la vie je t'appartiens, ma demeure c'est ta main. Tu m'amènes dans ton jardin, je m'enivre sans fin. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Mon amour dans ta maison, je vais chanter à chaque saison. Car je t'aime avec raison, toi la vraie bénédiction. Pour la vie je t'appartiens, ma demeure c'est ta main. Tu m'amènes dans ton jardin, je m'enivre sans fin. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Et Jésus, amour de ma vie, de ma vie. Jésus, Jésus, mon seul amour. Tu as gagné mon cœur. Tu as gagné tout mon cœur. Tout mon cœur. Jésus, mon seul amour. Oh, oh, oh, oh Jésus, Jésus, amour de ma vie, amour de ma vie. Jésus, Jésus, mon seul amour. Tu as gagné mon cœur. Tu as gagné tout mon cœur. Tout mon cœur. Oh Jésus, oh, Jésus, mon seul amour. Avec un grand sourire, car je sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans les cieux, sur la terre, tu es mon seul partenaire. Oh maman, oh, ave, ave. Je voudrais te le dire avec un grand sourire, car je sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans les cieux et sur la terre, tu es mon seul partenaire. Oh maman, Jésus, Jésus, amour de ma vie, amour de ma vie. Jésus, Jésus, mon seul amour. tu as gagné mon cœur. Tu as gagné. Tu as gagné ma vie. Tout mon cœur. Oh, oh Jésus, oh Jésus, mon seul amour. Oh, oh, oh, oh Jésus, Jésus, Jésus, l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Jésus, Jésus. Mon seul amour, aussi au dernier, tu as gagné. Et la salle à Bognon, tout mon cœur. Ah, Jésus, oh, Jésus, mon seul amour. Oh, oh, oh, Jésus, Jésus, Jésus, l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, Jésus, Jésus, mon seul amour. Aussi au dernier, tu as gagné. Et bon, mon salle à Bognon, tout mon cœur. Oh, Jésus, oh, Jésus. L'amour de ma vie, tu as gagné mon cœur. Aussi osu yangai motema, aussi osu yanga molema, aussi osu yanga mabanzo. Na koma ya yo koma yanga, bolingo no sukali, bolingo no sukate. Yesue, Yesue, Yesue, Yesue, Yesue, Yesue, Yesue, Yesue, Yesue, Yesue, Yesue. Osi osu ya na motema, osi osu ya na mabanzo, na koma ya yo koma ya na molingo no sukali. Kolingo no sukate, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, l'amour de ma vie, que de charme dans ton amour.